with exercise. In fact, my kids came back for a wedding recently. They looked at my arms and they said, Mom, you've got biceps. In a given 60-minute class, there might be 10 to 25 trainees cycling through a long series of physical and cognitive drills arranged in stations throughout the gym. Some stations focus on boxing gloves, mitts, and various bags. Other drills demand agility or strength or fine motor control. But as Stephanie Martineau says, there's more to this class than just addressing the outward symptoms of Parkinson's. I think the Rock City Boxing offers not only the physical challenge and a way to stay healthy, but the camaraderie among the people in the group is really wonderful. They understand what you're going through. All right, let's go, ladies. Hands up. For KFAI, I'm Daniel Zamza. Thanks, Dan. Why not take KFAI's mini culture wherever you go? Our podcast features 8 compelling episodes. Look for KFAI's mini culture podcast on iTunes and Stitcher. Download and listen today. Support for mini culture is made possible by the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. And you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM HD Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. It's radio without boundaries. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul, Radio Without Boundaries. This is Bonjour Minnesota. Bonsoir Adrien. Bonsoir Dana. Bonsoir Dana, bonsoir Adrien. Bonsoir Fred. Bonsoir Fred. Merci pour ta carte postale Fred. De rien, je suis en train de la mettre sur Facebook là. Bien. Put it on. Ça fait plaisir recevoir des cartes postales dans la boîte aux lettres ici. Oui. C'est mieux que les emails, c'est plus sympa. Très bientôt, nous allons envoyer des primes et des cartes pour remercier toutes les contributions. Tous les gens qui ont donné. Mm-hmm. Bon, ce soir, c'est le 31 octobre, c'est le Saint Wolfgang. Ouh, je savais pas ça. He was a saint. Saint Wolfgang who cheated the devil. In order the devil to help build a church. Oh. So the Catholic Saint Day, Saint Wolfgang, which is my son's name, so. Voilà. Mais ce soir, j'ai choisi, Fred aussi, il a amené des chansons, mais vraiment une soirée de la musique française qui fait peur. Alors, commençons avec un album qui s'appelle Sorcières, Monstres, Citouilles et Compagnie. L'album et l'artiste, c'est Les Amis de tous les enfants du monde avec une chanson qui s'appelle J'ai très peur. Oh. On y va. I'm frightened. Ouh. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on enregistre dans le noir avec les hiboux, les sorciers et les sorcières, les chauves-souris et les loups. J'ai un peu peur. Ah, j'ai très peur. Ia, quelle frayeur. J'ai la chair de poule, ça me rend ma boule. Au fond de mon cartable, c'est épouvantable. Il y a un cahier tout déchiré, plein de gribouillage. Une règle toute cassée, un livre sans pages. Ia, j'ai très peur. Ia, quelle frayeur. J'ai la chair de poule, ça me rend ma boule. Quand j'arrive en classe, mon Dieu, ça me glace. Il y a emmêlé sur le tableau, difficile à lire, des mots blancs beaucoup trop gros, bien trop durs à dire. Ia, j'ai très peur. Ia, quelle frayeur. J'ai la chair de poule, ça me rend ma boule. Voici la maîtresse, mais c'est une ogresse. Il y a un serpent dans ses cheveux qui nous ensorcelle. Un vieux crapaud tout baveux, un corbeau sans ailes. Ah, j'ai très peur. Ia, quelle frayeur. J'ai la chair de poule, ça me rend ma boule. Son chaudron, la sorcière avait mis quatre vipères, quatre crapauds pustuleux, quatre poils de barbe bleue, quatre rats, quatre souris, quatre cruches d'eau croupie. Pour donner un peu de goût, elle ajouta quatre clous. Le feu pendant 4 heures, ça chauffait dans la vapeur. Elle tournait sa tambouille, touille, touille et ratatouille. Sur le feu pendant 4 heures, ça chauffait dans la vapeur. Elle tournait sa tambouille et touille, touille et ratatouille. Passer à table, hélas, c'était immangeable. La sorcière, par malheur, avait oublié le beurre. Quand on put passer à table, hélas, c'était immangeable. La sorcière, par malheur, avait oublié le beurre. des sorcières fières. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Au loup-garou, c'est la ronde des sorcières fières. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Qu'est-ce qui fait le feu? Les dragons au sang-dieu. De qu'est-ce qui fait le feu? Les dragons au sang-dieu. Au loup-garou, c'est la ronde des ogresses en graisse. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Au loup-garou, c'est la ronde des ogresses en graisse. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Qu'est-ce qui fait le vent, le souffle de Satan? Qu'est-ce qui fait le vent, le souffle de Satan? Au loup-garou, c'est la ronde des vampires pires. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Au loup-garou, c'est la ronde des vampires pires. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Qu'est-ce qui fait l'orage, les cris des âmes en cage? Qu'est-ce qui fait l'orage, les cris des âmes en cage? Au loup-garou, c'est la ronde des cadavres raves. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Au loup-garou, c'est la ronde des cadavres raves. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Qu'est-ce qui fait la pluie, les pipis de chauves-souris? Qu'est-ce qui fait la pluie, les pipis de chauves-souris? Au loup-garou, c'est la ronde des squelettes bêtes. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Au loup-garou, c'est la ronde des squelettes bêtes. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Qu'est-ce qui fait le feu, les dragons au sang-dieu? Qu'est-ce qui fait le feu, les dragons au sang-dieu? Qu'est-ce qui fait le vent, le souffle de Satan? Qu'est-ce qui fait le vent, le souffle de Satan? Qu'est-ce qui fait l'orage, les cris des âmes en cage? Qu'est-ce qui fait l'orage, les cris des âmes en cage? Qu'est-ce qui fait la pluie, les pipis de chauves-souris? Qu'est-ce qui fait la pluie, les pipis de chauves-souris? Au loup-garou, c'est la ronde des sorcières. Au loup-garou, c'est la ronde des sorcières. Au loup-garou, c'est la ronde des sorcières. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Au loup-garou, c'est la ronde des vampires pires. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Au loup-garou, c'est la ronde des cadavres braves. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. Au loup-garou, c'est la ronde des squelettes bêtes. Au loup-garou, c'est la ronde des garous. J'ai rencontré une sorcière couchée sur son balai. Pas peur, c'est vrai. Je lui ai dit le tour de la terre, en combien de temps tu le fais? Pas peur, c'est vrai. Elle m'a dit, mon lézard, pour voir t'as qu'à grimper. Si t'es pas un trouillard, je te ramène au déjeuner. Eh, hey, pas peur, pas peur, pas peur du noir. Pas peur, pas peur du noir. Pas peur, pas peur, pas peur du noir. Pas peur, pas peur du noir. J'ai croisé un fantôme, un vrai, un demi-nuit. Pas peur, pas peur de lui. Je lui ai dit, mon bonhomme, t'as ton drap qui est tout gris. Pas peur, pas peur de lui. Il m'a dit, t'as raison, je me laisse un peu aller. Ça fait plus de 120 ans que je me suis plus lavé. Et pas peur, pas peur, pas peur du noir. pas peur du noir. Pas peur, pas peur du noir. Pas peur du noir. J'ai rencontré un vampire qui avait l'air tout penaud. Je lui ai dit tout net, t'as pas l'air rigolo. Je sors de chez le dentiste qui me dit cette canaille. Il m'a tout arraché, je peux plus boire qu'à la paille. Hey. Pas peur, pas peur du noir. Pas peur du noir. Pas peur, pas peur du noir. Pas peur du noir. Il n'y a qu'une fois j'ai eu peur, en plein milieu de la nuit. Très peur de lui. Je devais me relever, tu vois, pour aller faire pipi. Très peur de lui. J'ai vu un monstre étrange grimacer dans le noir. Mais c'était que ma tête qui était là dans le miroir. Et pas peur, pas peur. C'était quoi ça? dis-nous Adrien, ça a bien fait peur là. On a écouté Les Amis de tous les enfants du monde. On a écouté trois chansons. J'ai très peur, La soupe de la sorcière, La ronde des loups-garous. C'est là où les chauves-souris elles font pipi. Oui, so à l'envers. À l'envers. The first one was I'm really scared and voilà. the witch's soup. And then the round of the werewolves. Mm. Et la dernière, c'était Thibaut Duborg, qui donc c'était la chanson Pas peur du noir. Mm. Not scared of the dark. Yes, not scared of the dark. Is that real true? Are you scared of the dark? Qu'est-ce qui te fait peur? Si je suis tout seul, ça va. C'est quand je sais pas si je suis tout seul. If I don't know where I'm when I'm alone, I can get scared. Cold night, outdoors, pitch black, no moon. In the country, like in Wisconsin. Uh-huh. No light on, wrong address, a dog's barking. Uh-huh. A flat tire. No, there was just a dog barking. I turned around. Scary. Yeah, it could have been spooky. C'est quoi le prochaine chanson? Ça va être Le Vampire du Faubourg de Gilles et Julien. On y va. Dans le Faubourg Saint-Martin, la reine des catins, c'est l'amour qui vive. Comme un bel ange noir, elle descend chaque soir le long du trottoir. Sous son air virginal, c'est l'ange du mal dans la nuit câline. Et de ses mains en fleurs, elle déchire les cœurs et sème le malheur. Yom pom pom, yom pom, on l'appelle le vampire du Faubourg Saint-Martin. Oh, oh, oh, oh, oh, qu'elle vient sous son empire jusqu'au petit matin. Oh, oh, oh, oh, oh, mais la vie vengeresse. Pour venger le genre humain, créa le môme Nénèse, qui la tient dans sa main. Soin de soi, c'est un homme du milieu, qui a parfois aux yeux un gâteau à barine, affranchi et comment, mais des dents de caïman, un cœur en ciment. Et voilà qu'il passe un soir, il surprend dans le noir, titine sa titine, avec le môme Bébert, une tête pour déblaire, qui lui chante cet air. On l'appelle le vampire du Faubourg Saint-Martin. Oh, n'est-ce chose le dire qu'un vulgaire cabotin. Il n'aurait qu'à la gloire d'être le roi des barbeaux. J'y couperais ses nageoires et le coucherais dans le tombeau. Salvo. Mais Nénès a bondi et lui dit bandit, tu me couches mes gonzesses. Et tous deux aussitôt tirent de leur paletot deux à un couteau. Terrible corps à corps, c'est la lutte à mort des mecs à leur dresse. Et caille, nageoire et tout tombe à chaque coup avec un bruit mou. C'est comme le vampire du faubourg Saint-Martin. C'est barré sans rien dire jusqu'au quartier latin. La cité pleine d'angoisse dans un garni sans bruit pour conjurer la foi. Quoi ça coucha seule toute la nuit. Mais oui, mais le lendemain matin, elle lit dans le matin le récit du carnage, où ces deux fois d'amour ont trouvé sans tour la mort au petit jour. Alors courageusement, la reine sans amant s'est remise à la nage, en s'écriant « Malheur de mes chers souteneurs, je veux venger l'honneur, puisqu'on me nomme le vampire du faubourg Saint-Martin. Je vais ruiner, je vais détruire la fleur du genre humain. Désormais, je s'en mouche, pan, à chaque coup c'est fatal. Les amoureux qu'elle touche sont tous à l'hôpital. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. KFAI is a proud sponsor of Get Out the Vote, a night of music, civic education, and community building on Friday, November 3rd at Eagles Club 34. This event is designed to help you make informed decisions at the polls on November 7th. Performers include Manchita and Bionic, Proper T of Zulu Zulu, Slow Sly Love, Lot, and more. Friday, November 3rd at Eagles Club 34, 2507 East 25th Street in Minneapolis. More information at kfai.org. Whoa, c'est une vieille chanson de... Chanson de Gilles et Julien, Le Vampire du Faubourg. De 1933. 1933. It was pretty uplifting. Yeah, like so the uplifting. Tone yeah. For a vampire in the Faubourg. Yeah. I don't know, maybe it was a nice vampire. Yeah, it was a, yeah, it was just wanted to party. Faubourg, there used to be like a lot of movie theaters and a lot of, you know, disco and things like that. So happy vampire song. Yeah. Oh. Alors. Et alors maintenant on va écouter Dana, une histoire. Hein? Une histoire sur le thème de Halloween. Ça va être l'histoire de Jack et le fantôme du marais. Jack and the Swamp's Ghost. Swamp's Ghost. Swamp, yeah. On y va. Il était une fois un fermier qui était veuf. Il n'avait pas une très grande ferme. Il possédait quelques vaches, deux champs et un vieux cheval pour labourer ses champs. C'est ainsi qu'à chaque printemps, il attelait son cheval de labour à sa charrue grâce à des grosses chaînes. Il cultivait l'avoine dans un champ et l'orge dans l'autre. Ce fermier avait un fils qui se nommait Jack. Quand Jack était petit garçon, il aimait aider son père, aussi bien au champ qu'à la ferme, mais en grandissant, il n'eut plus le même enthousiasme qu'auparavant. Et bien sûr, Jack aimait faire des bêtises. Pour cette raison, son père se dit « Je ne peux pas sans cesse le surveiller. Je dois me trouver une femme. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il épousa une jolie femme. Elle avait de longs cheveux noirs. Oui, elle était très belle, mais elle ne portait pas Jack dans son cœur. Et bien qu'elle faisait de grands sourires à son mari, elle essayait de trouver le moyen de se débarrasser du fils. Elle lui donnait toutes les corvées les plus horribles, écœurantes et pénibles à faire. Au printemps, comme arrivait le moment de labourer une nouvelle fois les champs, le fermier augmenta la portion d'avoine à son vieux cheval et en voulant préparer l'équipement, il s'aperçut que les chaînes étaient rouillées et que deux gros maillons étaient cassés. Cela signifiait qu'il lui faudrait aller chez le forgeron, et le forgeron se situait au moins à 4 heures de marche. Et de plus, il lui faudrait traverser le dangereux marécage. Il était trop tard. Comme nous étions en début d'après-midi, il ferait nuit avant même de prendre le chemin du retour. « Ah, j'irai demain, » dit-il à sa femme. « Non, demain tu n'iras pas. Demain tu laboureras les champs et le jour suivant tu sèmeras les graines. Envoie plutôt Jack. » « Mais Jack est trop jeune et la nuit tombe très vite. C'est un grand garçon maintenant, il n'a peur de rien, n'est-ce pas Jack ?» Jack avait peur bien sûr, mais il n'osa pas dire que 4 heures de marche pour aller chez le forgeron était fatigant, sans parler du danger que pourrait renfermer le marais. Ainsi, il dut se résoudre à l'idée de traverser les marécages et prit le sentier qui passait par les marais, tout en sachant que dans ces marais, des créatures pourraient essayer de l'éloigner du chemin, des créatures qui tenteraient de le noyer dans les marécages. De plus, il avait entendu que des fantômes vivaient dans ces contrées. Mais il suivit son chemin et fut pour le moins soulagé quand il vit apparaître devant lui la forge du forgeron. Le forgeron saisit les chaînes placées sur les petites épaules de Jack. Grâce au feu de la forge, les chaînes, très rapidement, devinrent rouges et furent posées sur l'enclume. Alors, le forgeron prit son gros marteau et commença à frapper. « Les voilà prêtes, mon garçon. Ces chaînes sont beaucoup plus solides à présent. » Jack, en regardant par la fenêtre, s'aperçut qu'il faisait sombre déjà. « Hé, mon garçon, dit le forgeron, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tout ira bien si tu traverses le marais. Ne sais-tu donc pas que tout ce qui fait partie du labour est béni ?» Mais Jack n'écoutait pas, il était bien trop préoccupé de ce qui pouvait l'attendre sur le chemin du retour. Il remercia le forgeron et lui dit au revoir, puis reprit le sentier. Sur le chemin du retour, les chaînes posées sur ses épaules lui paraissaient étrangement plus confortables qu'à l'aller. Mais il faisait nuit à présent, et la lune qui éclairait le chemin venait tout juste de disparaître derrière les nuages. L'obscurité était totale. Jack ne voyait quasiment plus rien. Il crut apercevoir quelque chose en travers du sentier. Il tendit le bras à l'aveuglette et finit par tâter quelque chose de visqueux, de glissant et de froid. Alors, il réalisa qu'il ne s'agissait que d'un arbre pourri allongé en plein milieu du sentier. Avec précaution, il passa par-dessus l'arbre et au moment même où il descendait de l'autre côté, il vit quelque chose bouger, quelque chose qui s'approchait de lui, quelque chose qui puait, quelque chose que l'on ne pouvait pas palper. Quelque chose qui bougeait et grandissait. La puanteur à présent était insoutenable. Odeur de viande pourrie, odeur de marécage. Jack put alors distinguer une silhouette grise et informe, s'élevant dans les airs et flottant en face de lui, juste au-dessus du sentier. Et cette chose se mit à grandir de nouveau, jusqu'à être 3 fois plus grande que Jack. La tête de la chose était horrible, les yeux étaient gris, elle s'arrêta de grandir et se mit à parler. Jack, viens avec moi, je te montrerai le chemin le plus court à travers les marais. Viens, suis-moi. Oh non, je sais que je ne dois pas m'éloigner du sentier, et je sais aussi que vous êtes le fantôme du marais. Je ne vous écouterai pas. Et Jack posa ses mains sur ses oreilles, ainsi il ne put entendre tous les propos du fantôme et s'enfuit en courant aussi vite qu'il le put, mais il tomba. En tombant, les chaînes glissèrent de ses épaules pour finir sur le sol. Il retenait sa respiration, transi par terre. Le fantôme arrivait. La fin était proche, mais rien ne se passa. Il se retourna et vit que les chaînes bougeaient. Elles semblaient être en vie. Elles s'étaient enroulées autour du spectre. Elles le serraient de plus en plus. Elles le pressaient tellement que le fantôme diminua de volume. Il devint de plus en plus petit, pas plus gros qu'un navet. Mais il se débattait et roulait avec les chaînes. Elle serait tombée dans le marécage si Jack n'avait pas saisi à temps l'une des extrémités. De l'autre, le petit spectre criait « Laisse-moi, Jack, laisse-moi partir !»« Non, je dois ramener ces chaînes à mon père. Te laisser partir alors que tu voulais me noyer dans les marais ?» Mais Jack réfléchit « Si je le libère, il m'attrapera. Et si je ne le libère pas, je perds les chaînes. » Bon, tu sais quoi? Tu vas me faire une promesse, me promettre de ne plus essayer de me faire du mal. Et promets-moi aussi tout ce que tu voudras, je te le promets, je te le jure. Pourrais-tu te transformer en quelque chose de plus horrible encore? Bien sûr, dit le fantôme, bien sûr que je le peux. Tu viens avec moi dans ce cas, tu viendras jusqu'à la ferme et tu feras peur à la nouvelle femme de mon père. Ce sera la plus grande peur de sa vie. » C'est ainsi qu'après avoir promis, Jack libéra le fantôme, posa les chaînes sur ses épaules et continua son chemin en compagnie du spectre. Une fois arrivé à la ferme, Jack s'arrêta. La puanteur devenait de plus en plus forte et des gémissements venant du spectre s'entendaient. Puis, le fantôme devint de plus en plus grand, trois fois la taille de Jack. Son visage était horrible. C'était une tête de mort. Jack fixa les yeux de la créature. Ils étaient rouges de fureur. Alors, le fantôme s'éleva dans les airs, se posta devant la maison et commença à hurler, à vous faire tourner le sang. Il disparut en passant à travers le toit. Jack le vit réapparaître. Il traversait les murs, les fenêtres, passant de part en part de la maison. Jack entendit un fracas suivi de cris de terreur, de hurlements, et rapidement, il vit sa belle-mère sortir en courant. Elle courait éperdument. Terrorisée, elle s'enfuit dans l'obscurité. Jack ne la revit plus jamais. Quand le fantôme revint, Jack le félicita. « Nous sommes amis à présent ?»« Oui, nous sommes amis, » répondit Jack. Et le fantôme disparut. Jack retira les chaînes de ses épaules, les posa près du terrain à labourer et pensa « Eh bien, elles sont vraiment magiques. Le forgeron devait avoir raison. Elles sont sûrement bénies. » We just heard Jack and the Swamp Phantom from the Swamp by Les Conteurs, Jack et le Fantôme des Marais. And that was from a special album called Histoire Terrifiante pour les petits monstres de 4 à 7 ans. So, terrifying stories for little monsters of the ages of 4 to 7. Who probably can be monsters for other reasons. So, if you're 79 and you enjoyed that, you're not allowed. C'est interdit. Yep. Okay. Y avait you had a bunch of idioms. Yeah. And they're great French phrases. A lot. Very, very interesting story. So, about Jack, who is going in a field and he feels something that was kind of slimy, mm-hmm. and on the floor, and it was dark, and it was gross too. What were some of the cool phrases though that we heard? Like the ghost became at some point small like a turnip. Mm-hmm. Petit comme un navet. Yeah. Petit comme un navet. Uh huh. Mm-hmm. That what was. What other ones were there that you hadn't heard for a while, or? Et tourner le sang also. Yeah. Like when your blood is turning. Curdling. I think we call it blood curdling. Yeah. Yeah. I don't know. The translation. Huh. That could be. All right. We have a couple of announcements, and we'll be right back with more Halloween music. Ooh. Support for KFAI comes from the Alliance, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. Well, I won't back down. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. Programming on KFAI is supported by you. Having a hard time parting with your old car? What if you could turn it into the programs you love on KFAI? You'll get a tax deduction, and we'll tow it away for free. Find out how easy it is by calling 855-277-2346 or visiting kfai.org. Je suis un vampire qui pique et qui aspire vos larmes et vos rires, vos rêves, vos souvenirs. Jamais dans mon cœur ne s'allume la vie, car la mort est ma sœur et mon domaine, c'est la nuit. Et je presse vos âmes étourdies, succombant dans l'ivresse de mes grands bras. Maudit ou gare à vous, malheureux qui vous fiez à ma robe, ce masque beau et gracieux que les flashs dérobent. Je gratte sur du papier pourri, par l'eau saumâtre, par le vice et l'envie. J'aime briser les destins et offrir en présent ces petits éclats mondains qui régalent les passants. Qui suis-je? Suis-je un vampire? Journaliste minable, lettré de seconde zone, colporteur misérable, parasite de cette faune d'artistes vedettes et de sportifs légendaires, de gracieuses starlettes au ras des ministères. Oui, je suis damné, et je tire toutes mes forces des fidèles abonnés à mes revues atroces, la curiosité morbide des anonymes frustrés aux petites vies translucides me permet de rédiger, elle me permet de photographier. Elle me permet de publier. Je suis un vampire. Non, je ne suis pas le seul suceur de sang. Comme mes frères, j'ai dans la gueule ce petit goût dérangeant de scandale et de mort. Venez voir sur mon étal l'exhibition des corps. Je suis un vampire.

You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio Without Boundaries, you are listening to Bonjour Minnesota. Vous écoutez Radio Communautaire Fresh Air, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Vous écoutez Bonjour Minnesota et on est aussi sur le web à kfai.org. /bonjour Minnesota. Mais s'ils vont sur kfai.org, they can find the program called Bonjour Minnesota. Si vous allez dans n'importe quel search engine, yeah, portail de recherche, vous allez trouver. And for the streaming, actually, you can just click on Listen Now. Mm-hmm. But you have to go to the Bonjour Minnesota page on KFAI if you want to listen to the archive. And you can always listen to the past 2 weeks. Mm-hmm. Et c'est DJ Swift God. Il est de Montreuil. Wow. Alors, tu disais qu'une station métro à Montreuil. Yeah, when Dana told me that this guy was from Montreuil, I told her, so I'm back from Paris. I came back last week. And with my mom, we came back from Montmartre. We went to the Sacré-Cœur with my kids. And so we take the metro at Barbès, Rochechouart, and the line 4. And the line 4 always used to be Porte de Clignancourt, Porte d'Orléans. Clignancourt is north, Porte d'Orléans is the south. And she takes the stairs and I said, no, this one is direction Montreuil. And she said, but no, that's right. I said, no, we have to take Porte d'Orléans, not Montreuil. And she said, but they added a stop. So now, because the last stop was before Porte d'Orléans, now on the south side, now because they added a stop, it's the line Clignancourt-Montreuil. Ah. And they're going to even extend the line to Bagneux, which is mm-hmm. where most of my family is buried. There's a cimetière parisien de Bagneux. It's funny because it's a Parisian cemetery. You have to leave or be from Paris to be buried in that cemetery. But geographically, it's located in a town called Bagneux, which is a little bit on the outskirts. I think I lived in an apartment there. Did you? Yeah, when my ex-husband and I moved back to France. This uh-huh. guy said, I have this great apartment for you. It's got a wonderful view. We were looking for something really cheap that could fit the furniture. Yeah. And I said, no way. I can't live with the cemetery across the street. I just can't do it. You can't. My brother, not long ago, like maybe several years ago, but he had a business meeting like in one of the buildings that was overlooking the cemetery. Cemetery is really big. And one of his coworkers is making the usual joke that we always make about cemeteries, like, you know, at least the neighbors are not noisy. Yeah, yeah. We're not bothered by the neighbors. And my brother responded, yeah, I know my dad and my grandfather and my great-grandfathers are there. I think that was a hoot. C'est vraiment Halloween. Rigoler au mort. Yeah. Yeah, I don't think it's a very good idea on Halloween to laugh at the dead. Okay. No. We can do it on Halloween because it's the night of the dead. Uh-huh. Tomorrow is La Toussaint. So in France, the next day, on November 1st, it's All Saints, it's La Toussaint. And this is when most French people are going to honor they're dead, go to cemetery and mm-hmm. clean. At least once a year they can clean the tombs so they have a clean conscience, mm-hmm. Even if they never go in between. Ah, il y a Saint-Toussaint de Yves Montand. We should play that song. Saint-Toussaint? Uh-huh. We'll play that mm-hmm. at the end. Okay. But I don't know that song. Oh, it's beautiful. Is it? Mm-hmm. Okay. Anyway, but Day of the Dead's tomorrow, and you guys do that as well. We do it on Memorial Day to honor our dead and go to the cemetery. Mm. Yeah, it's La Toussaint. And it's a holiday. It's work holiday? Bank holiday. Yeah. Work holiday. Mm-hmm. Mm-hmm. I think for most people. Some of the business still, but retail business still remains open. But on va retourner un peu la musique. Should we listen to a little more music? Yeah, and after that we can talk about what's going on in the Twin Cities. For sure. How about we take a petit détour with chansons des sorcières? Ooh. witches. Okay. Here we go. From vampire to witches. Mm-hmm. And here we'll start with a chanson qui s'appelle Le Sorcière by Garou and Daniel Lavoine with a note from Notre Dame de Paris, Le Sorcière. Ooh. Cette fille est étrangère. C'est une bohémienne, une sorcière. C'est une chienne, une chatte de gouttière. Un animal qui traîne pieds nus sur les pavés. C'est un péché mortel à regarder. Il faudrait la mettre en cage, qu'elle ne fasse plus de ravages dans les cœurs, dans les âmes des fidèles de Notre-Dame. Ce soir, nous la suivrons dans les ruelles et nous l'enlèverons. Nous l'emprisonnerons dans une tourelle et nous lui montrerons la religion de Jésus-Christ et de sa sainte mère Marie. Tu me demanderais n'importe quoi, je le ferai pour toi. Tout ce que tu voudras, tu le sais. Tout ce que tu voudras, je le ferai pour toi. Je le ferai pour toi. Vieille sorcière qui s'appelle Grabouilla, Graboubou, Graboubou, Graboubou, Grabouilla. Elle passe par la chatière du gros chat Ramina, Ramimi, Ramimi, Ramimi, Ramina. Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère, se cache dans la gouttière de la maison Nicolas, Nicoco, Nicoco, Nicoco, Nicolas. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Mais un jour la sorcière mangea trop de chocolat. Chococo, chococo, chococo, chocolat. Elle entre chez l'épicière et vole des petits nougats. Petit nounou, petit nounou, petit nounou, petit nougat. Elle mange la boîte entière, puis elle boit de la bière. Elle dit d'un ton amer, j'ai mal à l'estomac. L'estoto, l'estoto, l'estoto, l'estomac. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Avec tous tes oiseaux de nuit pour faire pleurer les tout petits. Tu peux bien essayer de te

Ensuite, c'était Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres. That was pretty sad. Yeah, she was sad. Because she was a witch just like the others. Exactly. Who wants to be like that? Nobody. Really? Oh. Special witches. Yeah, poor Anne Sylvestre. And finally, we listened to Henri Dess. I listened to when I was a kid too. Yeah. La sorcière de minuit. Le train fantôme was the name of the album. The Midnight Witch. Yeah, it's also on another album, but Henri Dess is pretty awesome for the kids. All right. What's going on in town? Qu'est-ce qu'il y a comme événement à l'Alliance Française ou... Où ailleurs? Il y avait... A couple weeks ago, Le Femme was playing at Turf Club. Did anyone get to see that? I was in Paris. I was so sad. I was so sad, too, because I didn't... There wasn't any announcement. Right. I didn't hear about it in advance, and then I had too much going on that weekend, so I missed it. I just saw it on Facebook, like, maybe, like, 2 or 3 days before. Yeah. It was just sad. Totally depressing, because otherwise we would have all been there. Yeah. Electropop and stuff. J'adore les femmes. Les femmes. Mm. Moi, j'adore les femmes. Petit déj. Ah oui. On Saturday, November 4th, there's one from 9:30 to 11:30. Mm-hmm. There's the one at the Alliance Française in Minneapolis. And there's another one in Rochester separately. So the one in Minneapolis is, you know, you just come in and donations accepted and... it's sponsored by Brett Smith and this coffee and good conversation. Same thing for Rochester. It's not sponsored, but you can buy something from the Coutsy Market. Mm-hmm. So same thing, Saturday morning, 9:30 to 11:30. À l'Alliance Française, Grande Salle. Yeah. So great where opportunity. Where is it in Rochester? Do you know that? Yeah, Coutsy Market. Coutsy Market, okay. And I'm not sure if they provide the address. Let me see. But it's a great opportunity to just go meet new people. You know, you wind up sitting next to someone and you're having a French conversation about something and you meet somebody you don't even know. Exactly. And it's just all kinds of new things with breakfast. Yeah, it's very laid back. It's very nice. I always have a good time at the Alliance. The ambiance is really relaxed. And it's at Coutsy Convivial. Convivial. Oh, it's at Coutsy Market coffee shop. Okay. I heard of it. I heard, yeah. It's a good spot. It's 10056 Street Northwest in Rochester. Okay. It's also, it seems like to be combining with a Forager brewery. Yes, exactly. So it's a really cool spot in Rochester. Beautiful, great coffee. How do we say road trip in French? Caravan? No. Yeah. I think we don't really have the road trip the same way. Road trip. No, exactly. We say, on va en vacances. On va en vacances. Yeah, sur la route des vacances. More about the destination, maybe? I don't know. Rather than like the experience of being on the road. You know, distances aren't as long in France, I guess. Oh, yeah. But no, and plus we didn't. I mean, even though the beats are like Kerouac, they're kind of like, you know, on the road, the and they beatniks. Kind of started, yeah, the beatniks, yeah. They kind of started all that like idea and experience, like just be on the road, and that's the experience in itself. You don't need to have like a final goal, right? Interesting. They got inspired from some French authors too, yeah, but made it a new concept. Well, you think of like le pique-nique au bord de la route. Yeah. Yeah. You know? Yeah. Uh-huh. I mean, I think of that, like a French thing of like time to have lunch on the side of the road. Right. open the trunks and the trunk and fold the table. Mémé va. Elle a fait des sandwichs. Ouais. Salade. Avec le camembert qui pue. Mm-hmm. Et sinon, le 6. So on November 6th, from 6 p.m. to 8 p.m., there is an event called Tricoterie et Conversation en Français. So it's what? Yeah. Knitting? Knitting. Knitting. Is that French or Scandinavian? I don't know. Tricoterie is pretty French. Because, you know, like Tricoterie? Knitting yeah. and yeah. talking. It's a very Scandinavian thing to do, too. Well, that was pretty French, too. Pretty remember my grandma and, like, on vacation, they were, some of the ladies were, you know, finding each other and having tea together and or coffee and have a tricot. Ou la broderie. Yeah, my grandma used to, embroidery. Used to knit, too. And, that's cross-stitch. Right. Join the Alliance Française Nueuse Club kickoff rendezvous. Knitters are welcome to our bi-monthly get-together. Please bring your own supplies, and we will provide the company and French conversation. Mm-hmm. You can invite your friends. Please RSVP at 612-332-0436 or on the website. And it's at Beaujolais Wine Bar and Bistro. So the location is coming up. It's 4950 France Avenue South. Says Minneapolis. So, yeah, that's one of the events. Il n'y a pas autre chose qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Know. Oh, il y a encore la pièce de théâtre Balunacy. Yeah, the Balunacy is still playing at the Children's Theater. The Children's Theater. So feel free to check that out. Is that until the 13th? I think it's the 12th. 12th, no? Okay. Yeah, something like that. Something, okay. I'm going this week, but I think they have a little bit longer to go. Mm-hmm. Okay. And Les Navigateurs de la Littérature also, Le Printemps n'en sera que plus beau. On the 8th, from 6 p.m. to 8 p.m., there's going to be a book club regarding a book called Le Printemps n'en sera que plus beau, meaning spring will be even better because of it. So that's the 11th, and that's the 8th, sorry, from 6 to 8. And it's at the Alliance, and you can check it out at afmsp.org. Bien. And last but not least, on the 9th, so Thursday, not this Thursday, Thursday after, Apéritif en Français at the University Club in St. Paul. Ah, bon. J'aime bien. 6 o'clock to 7:30. T'es déjà allé? Yeah. Ouais. I went a couple of times, I think. It's agréable. Yeah. Mm-hmm. It's a good opportunity to enjoy the space. Yeah. For sure. And it's different also. It's different people from the Petit Déj. Mm-hmm. There are some people in common, but, you know, one is Saturday morning, so there's more family and kids, and the other one is during the week in St. Paul, so. Yeah, and you really have some international people. Yes. Yeah. And I saw some other instructors from the 3M Language Society. Nice. That I was like, hey, I know you from Do you mean ago. There are people, there are French people outside of Paris? Uh-huh. Just kidding. Like you? Yeah. Okay. No. Musique. All right. Musique. Should we? Bad jokes. Cut. Back to music now, all Fred. All right, fine. There's a title you wanted to listen called Les Monstres from Superflip. Is that it? That's the one I wanted to hear. So we're going to listen to that first. And then after that, we're going to listen to a band that my kids really love. It's called Les Zut. And it's called Aujourd'hui, c'est Halloween. So kind of like cheery and stuff. And after that, we'll listen to On ne badine pas avec l'amour from FFF. Ah, sur le thème de On ne badine pas avec l'amour. All right. Avec la mort. Yeah, don't mess with death. So, on y va. Il y a les monstres. Les monstres? Non. Pourquoi t'aimes pas? Parce que ça me fait trop peur. Pourquoi ça te fait peur? Parce que parfois il peut y avoir ceux qui sont sales, très sales. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les bestioles bizarres dans des cauchemars. Les monstres. Les trucs verts avec des poils ou les petits rampants. Les machins pas cool avec les bras tout gluants. Des trucs sans forme qui se transforment. Un bonhomme avec un corps tout difforme. Des araignées grosses, poilues, toute ma stock. Avec des mandibules faites pour bouffer un steak. Des gros trucs qui avancent qu'on sait pas ce que c'est. Tout noir avec des pinces et c'est là pour bouffer. Des goules qu'on la cale avec des sales gueules. Des momies toutes molles avec des têtes de mongoles. Des bidules qui suintent, marronnasses, terrifiants. Des trucs qui pourrissent de partout, des

Et voilà, donc on a entendu trois chansons. We heard Les Monstres from a band called Stupid Flip. And that was pretty fun. Mm-hmm. And the album cover had really cool things on it. Yeah. That was pretty awesome. And after that, we heard Aujourd'hui c'est Halloween. So today is Halloween from the band called Les Zut. And they do real songs and stuff. So it's pretty, and on different topics. Halloween is one of them, but there's a topic about every topic that like the kids like. And you can find them like online. And the last song was On Badine Pas Avec La Mort, the FFF, Fédération Française de Funk. And they do pretty good stuff too. I don't know if they're still together. I need to check them out. Sounds so much like Lenny Kravitz. Yeah. They had a good one, a good song about Barbès also. That was pretty good. So after that, we're going to listen to more songs. Mm-hmm. The one coming up is from MC Sola called Armand est mort. Mm-hmm. It's about a homeless, and I mean that, you know, someone turned down and he became homeless and it's a sad ended up story. Dying. Yeah, it's a bit sad. And MC Sola is a famous rapper. After that, we're going to listen to Babel Zone, La Chanson des Squelettes. Ooh. Ooh, yeah, the song of the skeletons. Skeleton song. Yeah. And Zizi Jeanmaire with a song from Serge Gainsbourg called Vamp et Vampire. Mm-hmm. Et on y va. Pays d'hiver, en plein été. De galère en galère, Armand s'est retrouvé clochard. Pourtant depuis tant d'années, son job perdu, il avait recherché. Abandonné de sa femme et de son chien Albert. Mort lors d'une dispute d'un coup de revolver. Et dans le quartier, révolté, rebelle de dernière heure. La quarantaine est passée, il est seul et il pleure. Il est trop tard pour s'intéresser à son triste sort. Armand est mort. Armand est mort. Pourtant, 10 ans auparavant, devant ses enfants, leur enseignant l'amour et le respect des parents. La haine de l'avarice dans ce monde dément. Armand passait du bon temps. Accident du travail, quelques indemnités. Il retrouve un emploi puis est licencié. Invité au mariage de sa femme Armand. Père au tribunal, la garde des enfants. Il est trop tard pour s'intéresser à son triste sort. Armand est mort. Armand est mort. Avant sa fin, il habitait une belle propriété. Avec vue sur la mort, un asile de paumé. Avant sa fin, avant sa mort, il en fut délivré. Laminé, décervelé, lobotomisé. Il est trop tard pour s'intéresser à son triste sort. Le pauvre Armand est mort. Armand est mort. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. You need us, and we need you. Take the first step in becoming a KFAI volunteer by registering at kfai.org/volunteer. Sign up for a new volunteer orientation hosted on the first Thursday of every month at 6:30 p.m. and find your on- or off-air role today. Sonne une heure, un grand squelette ouvre les yeux. Quand la pendule sonne deux heures, deux grands squelettes s'habillent en bleu. Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Quand la pendule sonne trois heures, trois grands squelettes maquillent leurs yeux. Quand la pendule sonne quatre heures, quatre grands squelettes se brossent les cheveux. Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Quand la pendule sonne 5 heures, 5 grands squelettes mangent des œufs. Quand la pendule sonne 6 heures, 6 grands squelettes jouent à un jeu. Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Quand la pendule sonne 7 heures, 7 grands squelettes dansent un peu. Quand la pendule sonne 8 heures, 8 grands squelettes marchent de paire deux. Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Quand la pendule sonne 9 heures, 9 grands squelettes vont faire la queue. Quand la pendule sonne 10 heures, 10 grands squelettes reviennent chez eux. Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Quand la pendule sonne 11 heures, 11 grands squelettes se mettent au lit. Quand la pendule sonne minuit, 12 grands squelettes disent bonne nuit. Pumbi, pumbi, pumbibi, pumbi, pumbi, pumbibi. Les seins, bicose les reins, bicose l'amour, bicose toujours. Bicose très belle, bicose cocktail, bicose au bar, bicose dollar. C'est vampé, c'est vampire, on peut pas rêver pire. C'est vampé, c'est vampire, ça te suce et t'expire. Gershwin, because Berlin, because magic, because music. Because smoking, because dancing, because baiser, because money. C'est vampé, c'est vampire, on peut pas rêver pire. C'est vampé, c'est vampire, ça te suce et t'expire. Bicose, bicose fourrure, bicose bijoux, bicose de tout. Bicose ça change, bicose un ange, bicose déchu, bicose perdu. C'est vampé, c'est vampire, on peut pas rêver pire. C'est vampé, c'est vampire, ça te suce et t'expire. C'était quoi ça, Frédéric? Qu'est-ce qu'on a écouté, cette chanson? On a d'abord entendu... la dernière chanson qu'on a entendue, c'était Vamp et, Vamp et, Vampa et Vampire de Zizi Jeanmaire. Chantant une chanson de Serge Gainsbourg. Ouais. Avant ça, c'était Babel Zone avec la chanson des squelettes. Boum, pa, boum, pa, boum, pa, pa. Et avant ça, c'était Armand est mort de MC Solar. Ah, oh, classique. Ouais. Très triste. Ah, remporté aux années 90. Ouais. Mm-hmm. En disant qu'il avait perdu Il avait perdu son travail et la garde de ses enfants, a été invité au mariage de sa deuxième femme, et que de toute façon, on s'en fout maintenant puisqu'il est mort. Donc, c'était intéressant. Mm-hmm. Donc, on voulait parler aussi de la semaine prochaine. We wanted to talk about next week. Like this coming Tuesday, on the 7th, mm-hmm. yes. we're going to have a special guest. And I don't know, for those who remember the show we had on August 22nd, mm-hmm. that was celebrating Paris Liberation, we had a guest called Louise. And this coming, she's connected with the guest we're going to have next week, Caroline Porter. And Caroline Porter is an author. And she's also a graphic designer, and I hope it's the right title. If not, she'll correct me next week. But turns out that during her escape in an antique store in Stillwater, she found some letter that she found lovely. The handwriting was lovely. And that got her very involved with these letters that were in French. And Louise helped translate some of them. Oh. And Louise is also a friend of Carol, who will be here next week with us for the interview of Caroline Porter. Mm-hmm. And so we're going to talk about her book called Marcel's Letters. Cool. And because during World War II, huh? Yeah. Turns out that these letters were from World War II, during World War II. So I don't want to give away too much, mm-hmm. but I'm sure Caroline is going to talk about it. Okay. Interesting. And it's not to be missed. Carol will be there, and I'll be there for sure. I don't know who else will be there, but I read the book, and I definitely recommend it. So it's a bridge in between Minnesota and World War II in France. Tune in. Yes. And we have some more music. Yes. We're gonna listen to. First, we're going to listen to La Java du Diable, de Charles mm. Trenet. Cool. Yeah. And after that, we're going to listen to Saint Toussaint, de Yves Montand. Yes. And we're going to wish you good night. And bonne soirée. À la semaine prochaine. And happy Halloween. Yes. Ooh. And remember that if you want to know more, if you have any questions, bonjourminnesota@gmail.com is the best way to reach us. And follow us on Facebook. And we'll typically announce what's going on. All right, let's play some music. Un jour, le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Valsa 3 temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt, la terre entière par cet air fut enchantée. Des dancings au cimetière, tout le monde le chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent, aux heures des repas, le diable venait sur sa java, frapper du pied dans les estomacs. Des petits malheurs vite commencèrent, car ce refrain de Lucifer planait partout, tout de suite à Paris, circonvenant bien les esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député prit le coup. À la tribune de la chambre, dit dans son discours, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? À coup de fusil, on l'eut l'abattre, il expira au deuxième couplet. La salle pléielle n'écoutait plus, les grands concerts, un seul lui plut, celui où le chef d'orchestre mêla Sébastien Bach et la java. Ronde folle, ronde folle, brusquement un grand acteur, au beau milieu de son rôle, trahit son auteur. Duc de Reichstadt, avez-vous dit non, non? Et savez-vous quel est mon véritable nom? C'est celui qu'au prater, la foule qui s'écarte, murmure autour de moi, le petit Bonaparte. Je suis son fils, rien que son fils. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, quelle pagaille dans le théâtre! Les spectateurs montèrent sur scène, l'œil en fureur et le geste obscène. Au-delà des mers, ce fut bien pire. Le mal gagna, c'est trop affreux. Il lui fallait, pour son empire, jusqu'au pôle Nord et la terre de feu. Mais le plus terrible ravage fut dans le monde des banquiers.